font vibrer les ondes de CKRL avec humour, poésie et imagination. Avant-première, un saut dans la littérature de demain sur les ondes de CKRL 89.1, le 29 novembre à 17h30. Tendez l'oreille. Ce soir, à l'aérospatiale, Jonathan Plante expose à l'œil de poisson, l'art public dans l'arrondissement de Beauport et un retour sur l'exposition de Sherry Boyle à la Galerie 3. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Audrey Caro, au micro de cette émission du 21 novembre, est toujours très heureuse de vous retrouver en ce mardi soir, 17h30. D'entrée de jeu, j'aurai le plaisir, au cours de cette émission, de discuter avec l'artiste Jonathan Plante de Montréal, qui présente jusqu'à dimanche une nouvelle série de sculptures intitulée « L'immobile à l'œil de poisson ». Ces pièces sculpturales sont faites à partir d'un support lenticulaire qui s'anime lorsqu'on se déplace dans l'espace. Il va nous expliquer davantage ce procédé, mais aussi les liens que ces œuvres entretiennent avec le mouvement minimaliste, l'art optique, mais aussi le cinéma expérimental. Donc, très hâte de discuter avec lui dans quelques instants. Sinon, dans un second temps, Marie-Claire Tremblay viendra nous présenter sa chronique mensuelle, plutôt, devrais-je dire, sur l'art public à Québec. Et aujourd'hui, elle nous amène non pas au centre-ville de Québec, mais bien dans l'arrondissement Beauport, où plusieurs œuvres d'art public se trouvent. Elle profitera de l'occasion pour nous parler de trois œuvres, de Jean-Robert Drouillard, Florent Cousineau et de Cook Sasseville. Puis, en deuxième partie d'émission, le duo de chroniqueuses formé de Lauriane Thibodeau et Fanny Ménard s'intéresse à la nouvelle exposition de l'artiste canadienne de renom Sherry Boyle, « The Smile at the Bottom of the Ladder », inaugurée à la Galerie 3 ce vendredi dernier, il faut le dire. Une exposition qui était fort attendue également par cet artiste qui a représenté le Canada à la Biennale de Venise en 2013, donc vraiment une grosse pointure qui présente son premier travail solo, faut-il le dire, depuis la Biennale. Les deux chroniqueuses vont nous parler, bien sûr, de ce nouveau corpus sur lequel l'artiste a travaillé, somme toute, assez longtemps, mais aussi, elles vont nous parler de cette rencontre très inspirante qu'elles ont eue avec Boyle. De même, Fanny Ménard va en profiter pour nous lire deux passages du livre d'Henri Miller, « The Smile at the Foot of the Ladder », qui a été une grande inspiration pour la réalisation de cette exposition-là. Et également, on va avoir une pièce musicale qui va suivre cette chronique, qui sera bien sûr une sélection de Sherry Boyle. Également, on va bien sûr terminer l'émission avec l'agenda de la semaine qui est bien garni cette semaine. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. J'avais envie aussi de vous faire part de deux actualités de manière très brève, mais quand même vous dire qu'il y a des photographies fortes et intéressantes, des photographies anciennes de la Collection nationale du Québec qui sont désormais disponibles en ligne. C'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui vient de rendre disponibles en format numérique 202 photographies vraiment exceptionnelles qui se trouvaient dans le fonds d'archives Paul Gouin. Ces photographies-là rendent compte notamment du terrible incendie qui va détruire une grande partie de Québec, donc les quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur et Saint-Vallier en 1866. Ce sont des clichés de l'artiste William Lego qu'on retrouve là. Également, on a plusieurs vues symboliques de Québec qui se retrouvent là, dont des œuvres du photographe paysagiste Alexander Henderson, ainsi que de Jules Livernois, bien sûr, de la grande famille de Livernois ici à Québec, hein, qui a tenu son célèbre studio pendant presque 100 ans ici à Québec. On va aussi trouver des clichés des troupes de l'armée britannique à leur départ de la ville de Québec le 11 novembre 1871. Donc, vraiment, un très beau corpus que vous pouvez aller voir et j'ai publié justement à l'instant sur notre page Facebook de l'aérospatiale. C'est le lien pour aller accéder à ce fonds d'archives, donc qui est en ligne. Alors, pour tout amateur de photographie ancienne, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Sinon, le Musée national des beaux-arts du Québec nous apprenait un peu plus tôt, la semaine dernière, donc, qu'elle organisait en conjointement, donc, une exposition dédiée à Berthe Morisot, donc, femme impressionniste, qui explore les tableaux de figures et les portraits de cette artiste-là, donc environ une 50 à 60 toiles qui proviennent d'institutions publiques et de collections privées du monde entier. Cette exposition va être la première à être consacrée à l'artiste en Amérique du Nord depuis 1987, donc une toute première exposition monographique au Canada. Et c'est quand même en partenariat avec trois autres institutions, le Dallas Museum of Art, le Musée d'Orsay, ainsi que la Fondation Barnes de Philadelphie. C'est une exposition donc qu'on aura l'occasion de voir à compter du 21 juin, mais quand même, c'est une grosse prise pour le Musée national des beaux-arts du Québec d'amener cette importante exposition sur Berthe Morisot, qui est considérée comme l'une des fondatrices du groupe impressionniste et qui va avoir conduit notamment à la première exposition après la fondation du groupe. Donc, une des artistes, dit-on, les plus novatrices de ce mouvement également. Alors, ça ne sera à ne pas rater cette semaine. Donc, on s'en va en pause audio et cette semaine, c'est notre collaborateur Julien Saint-Georges Tremblay qui nous propose une sélection à saveur électronique. On s'en va écouter Birdcage de l'artiste Actress. À l'œil de poisson, il y a Jonathan Plante, un artiste de Montréal, donc, qui présente une nouvelle série d'expérimentation sculpturale intitulée L'immobile. Et là, je le joins au téléphone. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Alors, cette exposition donc que tu présentes à l'œil de poisson est ta toute première exposition solo à Québec, je crois bien. Oui, c'est ça. Oui. Exact. Donc, peut-être expliquer un petit peu aux auditeurs, parce que toi, tu travailles avec, depuis quelques années, avec un matériel, un support lenticulaire. Peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est ce matériel avec lequel tu travailles. Ben, en fait, d'abord, je m'intéresse au mouvement de l'image, notamment le mouvement de l'image, l'image mise en mouvement par le spectateur. Mm-hmm. Dans le cadre de ma recherche, je me suis intéressé à un matériau qui est un support lenticulaire. En fait, on connaît tous ça, c'est ce qu'on voit là dans les cartes postales qui s'animent quand on les bouge, donc ou les trucs de Cracker Jack qu'on connaissait. Donc c'est un plastique qui est strié, sur lequel il y a plusieurs lentilles, ce qu'on appelle les lenticules, mm-hmm. donc qui décompose l'image et qui permet d'avoir un point de vue différent sur la même image. Donc ça permet littéralement d'animer des images sans technologie, sans qu'il y ait de médiation. C'est directement la lentille, notre point de vue par rapport à l'image qui se transforme puis qui anime l'image. Oui, exactement. Donc, l'importance pour le spectateur de se déplacer, parce que finalement, ces sculptures, comme le titre de ton exposition le dit, elles sont immobiles, mais par le fait qu'on se déplace, c'est nous qui amène à la fois du mouvement, mais aussi une temporalité à cette œuvre-là. Oui. C'est ça, mais c'est toujours le cas, en fait, pour n'importe quoi, dans n'importe quelle œuvre, on a toujours l'expérience de se positionner par rapport à l'œuvre, de faire le tour pour apprécier une sculpture, on fait le tour, une installation, on se déplace, une peinture, on fixe, on s'arrête. Donc, c'est sûr que mon travail pose cette question-là, ou plutôt rend conscience, nous fait prendre conscience de notre déplacement devant l'œuvre. Donc, on a à négocier, à choisir, à prendre une position et des fois, nous-mêmes, à rester immobile, à choisir un point de vue plutôt qu'une autre, un autre. Donc, c'est ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce côté expérientiel du travail, puis de mettre vraiment, de pointer la question de la forme du mouvement, ou plutôt le mouvement en tant que forme, c'est ça ce qui m'intéressait. Oui. Et cette exploration-là, tu l'avais fait principalement en 2D. Donc, ça prenait des fois de la forme de, si on peut dire, entre guillemets, de tableaux, d'œuvres au mur, parfois qui étaient plus petites, mais aussi plus magistrales, avec cette volonté d'expérimenter le support dans une sculpture. Est-ce qu'il y avait quelque chose à laquelle tu étais à la recherche? Exemple, je veux dire, le fait que les panneaux sont imbriqués les uns dans les autres. Parfois aussi, il y en a une œuvre à laquelle je pense qui est tout au fond de la salle, où justement l'intervention de sérigraphie, des formes qu'on y trouve ou des couleurs qui sont là, est beaucoup plus minimale. Donc, il y a une espèce de jeu de transparence aussi à certains moments. Je me demandais qu'est-ce que ça t'a amené à découvrir le fait de passer du 2D au 3D? 2D ou 3D. Mais d'abord, il faut dire que je m'intéresse à la matérialité de ce support-là. Donc, ce qu'on en connaît, l'expérience qu'on a de lenticulaire, comme j'ai dit, avec les cartes postales, c'est des images qui sont animées. Donc, c'est un support qui permet un bonus d'information. C'est-à-dire qu'on a plusieurs images plutôt qu'une sur un seul support qui s'anime. Mm-hmm. Mais ça reste ça reste une documentation, ça reste documentaire, ça reste c'est pas à propos du support lui-même. Donc moi, en jouant sur la transparence du médium, du plexiglas, parce que c'est un plastique en fait, je pointais à j'essayais de faire ressortir la matière elle-même, mm-hmm. et ses possibilités dans le domaine des arts, plus que par la publicité où on en fait l'expérience habituellement. Ouais, plus son petit côté kitsch ou familier avec lequel on l'a côtoyé. C'est ça, on s'est associé, oui, c'est associé au kitsch, effectivement. C'est associé à des souvent des trucs très colorés, très émotifs. Donc, j'ai essayé de l'amener ailleurs. Et il y avait toujours cette idée d'intégrer ou de que le corps du spectateur soit qu'il y a un rapport entre le déplacement du spectateur, son corps, une expérience physique de l'œuvre. Donc, pour qu'il y ait une expérience physique, il faut qu'il y ait une certaine grandeur, une certaine dimension à l'œuvre. Donc, ça a commencé avec des petits formats, c'est devenu plus grand sur le mur. Là, c'est des sculptures. Donc, les sculptures sont des surfaces. C'est encore des surfaces, mais qui forment des cubes emboîtés les uns dans les autres, un peu dans la lignée du minimalisme, des cubes de 1 mètre par 1 mètre. Donc, c'est comme deux cubes, 1 mètre par 1 mètre, un sur l'autre. Mm-hmm. Et donc, ça nous donne c'est comme des personnages qui sont en dialogue les uns avec les autres. Je parle des sculptures parce qu'il y en a 6 dans l'espace, 6 surfaces, 6 sculptures avec 8 surfaces. Mm-hmm. Donc, quand on se déplace, ben, les unes, on voit, des fois, on en voit deux qui bougent ensemble. Et c'est ce parcours, cette déambulation-là qui forme une espèce de cinéma dans notre... on fait notre cinéma littéralement quand on se déplace. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est aussi parce que là, j'arrive au cinéma, mais le cinéma expérimental, on pense à McLaren qui peint directement sur la pellicule. Donc, le cinéma structuraliste, abstrait, pose cette question-là de la matérialité du cinéma. Et moi, j'amène ça dans l'espace, donc dans l'exposition, pour vraiment que ce soit ce qu'on appelle depuis les années 90 là, le cinéma d'exposition, c'est-à-dire une autre forme de cinéma que ce dont on est habitué avec la boîte noire, la projection. Donc, parce qu'il n'y a pas de projection, c'est une animation donc qui est très minimale. Finalement, c'est un peu dépouillé de ces éléments technologiques. Oui, c'est ça. Oui. Et il y a aussi... Donc, ça renvoie au proto-cinéma, au cinéma, donc la lanterne magique, les débuts du cinéma du fait que c'est tellement low-tech et simple et voilà. Oui, effectivement. Puis il y a aussi quelque chose de l'art optique également, de ces effets générés par notre déplacement, par les couleurs aussi, les jeux de lignes. Parce que finalement, c'est ça, ce ne sont pas des personnages qui sont là, mais bien des jeux de formes, de cercles, des lignes aussi qui apparaissent, disparaissent. Il y a ça aussi, cette espèce de côté intriguant justement qui nous amène à découvrir avec tout ça aussi. Je pense notamment que ce soit les adultes comme les enfants vont prendre plaisir aussi à voir ces petites variations-là en se déplaçant donc autour de chacune des pièces. Oui, il y a définitivement une référence à l'op art, l'art optique. Dans l'essai de Moiré, entre autres, qui a été beaucoup réalisé de toutes sortes de façons. Le Moiré étant des interférences entre des lignes, parce que ce que je sérigraphie, parce que c'est de la sérigraphie, mm-hmm. sur le support, donc moi, j'imprime des lignes. Donc, les lignes sont en interférence avec les lentilles du support, qui crée un mouvement. Donc, il y a comme une espèce de double mouvement. Il y a le mouvement que la lentille elle-même crée par l'angle de vue. Puis ensuite, il y a moi, comment j'imprime ces lignes-là par rapport à la lentille en déplaçant le cadre. Donc, j'étais à la recherche de ces effets de perception. Sans tomber dans le mal de cœur. Ah oui, c'est vrai. Mais, c'est sûr que, comme je voulais avoir quelque chose qui était physique, puis oui, je, ça m'intéresse, oui. Eh bien, vraiment une exposition à découvrir, justement, à l'œil de poisson. Et c'est jusqu'à dimanche, on le rappelle. Et sinon, je crois aussi que tu présentes quelque chose à Trois-Rivières, hein, aussi? Oui, c'est ça, en ce moment, au centre d'exposition Raymond Lasny. Oui. Et qui se termine en ce moment, la galerie 3R aussi de l'Université de Trois-Rivières, avec le groupe de recherche sur l'image en mouvement. Puis Raymond Lasny, ça commence ce vendredi, en fait. Parfait. Ouais. Donc, on aura l'occasion de te voir trois fois plutôt qu'une. Ouais. Parfait. Ben, Jonathan Plante, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour nous expliquer ce travail. Alors, on te souhaite une très belle soirée. OK, merci à vous. Merci, au revoir. Alors nous, on s'en va en pause audio. On s'en va écouter Ariel de Fortet. On poursuit cette émission en compagnie de Marie-Claire Tremblay. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. Alors, tu avais envie de nous proposer de sortir du centre-ville pour ta chronique mensuelle sur l'art public. On s'en va dans l'arrondissement Beauport, où tu nous présentes trois projets d'art public. Oui, parce que, Audrey, c'est pas vrai que l'art public, c'est juste au centre-ville. Mm-hmm. Et j'en ai eu la preuve. Écoute, cet automne, je suis allée faire une petite marche bucolique le long des cascades de Beauport, dans le parc de la rivière Beauport, justement. Et par hasard, qui l'eût cru, je suis tombée face à face avec une œuvre de Jean-Robert Drouillard. Donc, j'avais déjà entendu parler de cette œuvre-là, mais je ne l'avais jamais vue en vrai. Donc, ça m'a donné l'idée vraiment de m'intéresser à l'arrondissement Beauport. Et donc, c'est trois œuvres quand même assez récentes aussi que je vous présente. Mais donc, d'abord, ce projet-là de Jean-Robert Drouillard qui s'appelle « La vie est belle, Monsieur Drouillard », c'est un projet qui a été fait quand même, c'est un projet de médiation culturelle. Donc, il y a un groupe d'adolescents, en fait, qui ont participé à ce projet-là. Il y a eu plusieurs rencontre aussi avec l'artiste, fait que ils ont vraiment, Jean-Robert a vraiment eu le temps de les connaître et de s'initier un petit peu à ce monde-là des adolescents, en fait. Et donc, dans le parc Armand-Grenier, ce qu'on retrouve tout de suite mis en place, c'est cinq socles sur lesquels, et sur trois de ceux-ci, on trouve vraiment des personnages adolescents, quasi grandeur réelle. C'est beaucoup... c'est pas très coloré. On voit beaucoup le matériau qui est utilisé, l'aluminium. Mm-hmm. Quoique, il y a des petits accents de couleur, en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé particulier tout de suite d'emblée dans cette œuvre-là, c'est qu'il y a quand même des socles de libre. Donc, ça t'invite comme visiteur vraiment à entrer dans cette œuvre-là, à avoir un nouveau point de vue, à t'attarder peut-être aux détails de la sculpture. Puis j'ai envie de dire, à faire partie de la gang. Mais c'est effectivement ça. J'avais eu l'occasion d'aller à l'inauguration de cette œuvre-là, et c'est ce que l'artiste souhaitait, qu'on s'inclue au travers de ce groupe-là de jeunes. OK. Bien, tu vois, ça, en tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Mais en même temps, cette œuvre-là, justement, je me questionnais sur tout ce qui émane, parce que c'est sûr qu'il y a des accents de couleur quand même assez punchés. Donc, est-ce qu'on a envie, justement, de parler un petit peu de la personnalité de ces adolescents-là? Il y a tout ça, il y a ces codes-là qui émanent, je trouve. Mais il y a aussi, au niveau de la composition, quelque chose qui est très, très fort. Moi, ça m'a amené à réfléchir à la relation. Tu sais, la sociabilité dans le monde des adolescents, c'est très important. C'est une période qui peut être parfois difficile aussi. Puis le fait qu'on ait un personnage qui soit un petit peu plus éloigné des autres, bien, ça m'a amené à me questionner là-dessus. Alors que pourtant, quand j'ai écouté la vidéo, il y a une très chouette vidéo qui a été faite sur cette œuvre-là. Jean-Robert parle d'une expérience comme tellement positive avec les jeunes. Mm-hmm. Justement, il parle de leur gentillesse, il parle de leur joie de vivre. Donc, il y a peut-être il y a de ça, oui, avec les teintes colorées, avec l'idée aussi qu'on fait peut-être référence à l'univers du jeu, hein, ils ont comme des chapeaux aussi sur la tête. Mm-hmm. Ça, mais en même temps, peut-être quelque chose d'un petit peu plus sérieux, comme je te dis, avec la composition, les relations qui s'établissent entre les personnages. Et les personnages chez Drouillard aussi, je remarque ça beaucoup, ils sont jamais magnifiés, hein, donc c'est vraiment l'humain dans toutes ses... ben, l'humain comme il est, en fait, exact, pas magnifié, avec ses imperfections. Donc, c'est ça, vraiment... Ben, il s'est basé sur les... Il y a trois jeunes du groupe qui ont été ses modèles, finalement, un peu comme il le fait pour ses propres sculptures, où d'habitude, c'est lui, ses enfants ou des proches de sa famille ou de ses enfants. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, là, ici, il a transposé ça, mais avec le groupe de jeunes. Exact. Tous les jeunes ont été scannés. On voit ça, justement, dans la vidéo. Donc, vraiment une expérience intéressante, je trouve. Donc, sinon, pas très loin aussi, il y en a une autre très belle. Tout à fait. On monte un petit peu la côte et là, on est dans quelque chose de complètement différent parce que c'est une œuvre qui est très, très intégrée à l'architecture. Et Florent Cousineau travaille souvent de cette manière-là, hein, qu'on pense à certaines pièces, justement, dans le quartier Saint-Roch. Il y en a plein. Il y a la chute des mots. Donc, cette œuvre-là s'appelle Porte de verre et c'est vraiment des énormes pièces en acier cortène qui font un petit peu le tour du bâtiment. C'est une œuvre aussi qui est visible de l'autoroute 40, donc qui est fait quand même à échelle monumentale, mais qui nous invite à aller la découvrir de plus près dû au fait que c'est une promenade. Donc vraiment des genres de portes, des genres d'arches en acier cortène. Et quand on fait la promenade, je l'ai fait, bien, on a ce genre d'impression-là de passer d'une étape à une autre, comme on traverse les portes. Une succession, les là, vraiment. Exactement, une succession. Puis c'est très fort le lien avec... c'est un centre sportif, en fait, c'est le centre sportif Marc Simonneau. Donc cette idée-là que pour arriver à être satisfait d'un sport, ben voilà, il faut des entraînements. C'est un travail d'équipe, mais voilà qu'il y a des étapes à franchir. Ne serait-ce qu'en course à pied, ça me faisait aussi penser aller au fil d'arrivée de la course à pied. Donc, il y a un lien très, très fort à faire. Petit détail, moi, j'aime remarquer les petits détails. Les angles de ces portes-là sont irréguliers, mais attention, chacune de ces portes-là, j'avais l'impression de vivre ça quand je l'ai traversée, puis j'ai confirmé cette impression-là auprès de l'artiste. L'angle est différent pour chacune des portes. Donc, vraiment, ça crée une irrégularité, ça crée un dynamisme. On ne passe pas tout le temps au travers de la même porte, donc chaque étape est différente aussi. Exactement. Chaque étape a ses propres caractéristiques. Peut-être que chaque obstacle aussi a ses propres caractéristiques. Donc, ça amène vraiment à pousser la réflexion plus loin. Et c'est une œuvre lumineuse. Audrey Cousineau aussi travaille beaucoup avec la lumière intégrée. Donc, c'est une œuvre même qui change de couleur selon les conditions climatiques. On enchaîne avec De l'eau sur le feu de Cooksasville, encore une fois une œuvre à Beauport sur la place Saint-Thomas de Villeneuve, qui est une ancienne église. Et là, c'est vraiment une réinterprétation complètement de l'histoire de l'art. On a deux grands icônes de l'histoire de l'art installées sur des énormes socles. On a Le Penseur d'Auguste Rodin et le Discobole de Miron dans deux couleurs vraiment très contrasté, mais ça fait très éclatant, très jouet aussi. Oui, hein? Vraiment, vraiment. Il y a ça aussi. Ça avait fait beaucoup de bruit quand ça avait été inauguré, mis en place ces deux œuvres-là, parce que elles sont sur des socles de béton très très gros, sont très hauts. Donc il y a quelque chose d'assez noble aussi dans la présentation, mais on a ce côté-là un peu plastique, farfelu peu aussi par la couleur. Bleu cyan, tu sais, finalement, très pétant et rouge vif. Mais moi, je trouve que ça, tu sais, justement, ça attire le regard, là, c'est très tape à l'œil. Mais après, pour moi, ça a été comme une courroie pour aller m'intéresser à chacune des sculptures, à leurs détails. Puis c'est comme une confrontation vraiment très forte. C'est le discobole, c'est l'antiquité, c'est l'action aussi, c'est la personne qui est en train de lancer le disque. Tandis que le penseur, ben, c'est le contraire. On est au 19e, le format plus grand est fait au 20e siècle, donc complètement une autre période. Et là, vraiment, c'est c'est l'introspection, c'est la réflexion, c'est la méditation. Donc, deux choses complètement opposées. Et Audrey, ça m'a permis de me replonger dans l'histoire de l'art. Quand on fait le tour de ces œuvres-là, on les analyse. Et vous remarquerez ça, je trouvais ça vraiment le fun. Le disco ball, c'est une période dans l'Antiquité où est-ce qu'on n'est pas encore très doué tout à fait avec le 3D. Et on sent demeure une planéité dans cette sculpture-là. Mm-hmm. Il y a un point de vue qu'on peut avoir facilement en faisant le tour de l'œuvre et on voit presque juste une ligne. Tous les membres sont alignés dans la même ligne. C'est vrai, Il y a comme une inspiration à la tradition égyptienne. Donc vraiment, j'ai confirmé en lisant un petit peu sur cette période-là, c'est vraiment ce qu'on voit. Tandis que chez Rodin, qui est une sommité de la sculpture de son époque, ben là, toute la musculature est définie. Les proportions aussi. Oui, mais même un petit peu disproportionné la main quand même, un petit peu disproportionné. Mais donc, on peut vraiment comparer les caractéristiques de ces deux sculptures-là. Peut-être une courroie, je sais pas, pour le grand public, est-ce que ça amène à l'histoire de l'art, tu sais, voir ces icônes-là, c'est-à-dire, il me semble que j'ai vu ça quelque part, et d'aller voir sur le cartel, de retrouver le nom, peut-être d'amener à se questionner. Je me posais cette question-là, en fait. Et petite anecdote, je finis avec ça, sur la vie de l'œuvre en espace public. J'ai remarqué ça. Moi, j'aime beaucoup aussi me questionner sur comment l'œuvre va vivre avec les gens. Et là, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui se sont exercés au lancer du disque, comme le personnage de Miron, puisque lors de mon passage en fin de semaine, il y avait une citrouille juste à côté de la sculpture. Donc, comme quoi, justement, les icônes de l'histoire de l'art peuvent fasciner et inspirer le grand public. Donc, on imagine qu'il y a quelqu'un vraiment qui a lancé la citrouille comme le discobol lance le disque. Hein? C'est quand même drôle comme anecdote. C'est quand même curieux. Puis c'est surtout aussi une œuvre, peut-être pour conclure là-dessus, qui détonne dans le paysage. C'est vrai. Quelque chose qu'on verrait peut-être plus au centre-ville, justement, donc, qui amène ces formes-là un peu plus contemporaines. C'est celle de Jean Robert reste, somme toute, assez, pas discrète, mais tu sais, quand même plus proche de notre réalité, alors que là, ça c'est quand même audacieux. Ça clash, oui. C'est le lieu d'une ancienne église aussi, mais en même temps, les artistes disaient justement, ben voilà, il y a eu toutes sortes de changements dans ce quartier-là. Il y a eu des feux qui ont détruit, mais il y a la continuité avec l'eau, fait qu'il jouait beaucoup avec les contrastes et j'ai l'impression que cette œuvre-là s'intègre de cette manière-là. Mm. On cherche à faire un contraste avec ce qui existe déjà, mais en même temps une continuité, donc vraiment confronter un peu les deux idées. Eh bien, ça termine très bien cette chronique, Marie-Claire, et finalement, ça nous donne le goût aussi d'aller tourner vers Beauport pour découvrir ou redécouvrir ces œuvres d'art public. Une petite escapade, c'est juste à côté de chez nous. Exactement. Puis, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Exact. Alors, merci beaucoup, Marie-Claire, pour ce petit topo art public à Beauport. Merci. Alors, on s'en va en pause publicitaire et on revient de l'autre côté pour vous parler de Sherry Boyle. 89.1 Rhizome, littérature vivante, transculture en collaboration avec le CRIUQ de l'Université Laval présente l'événement Écriture consacré aux formes en développement et à la prise de risque. Jeudi le 30 novembre à la coopérative Méduse et vendredi le 1er décembre à la Maison de la littérature au programme. Quatre sorties de résidence réalisées en novembre par des duos et des trios de créateurs en littérature et en art sonore, des performances, une installation vidéo poétique et une journée de réflexion sur la littérature et le numérique. Pour le détail de la programmation, rendez-vous à écriture.ca. Le 7e art est à l'honneur durant une heure, tous les mardis, 18h30, en direct de la Nîmes-Cazy, au 811 rue Saint-Jean. Ici Pierre Blais. Toute l'équipe de Situation Critique vous y attend chaque semaine pour discuter de cinéma avec des critiques et des entrevues au menu. C'est un rendez-vous. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Installez-vous confortablement et écoutez la Bibliothèque du futur lors d'avant-première. Les auteurs Caroline Fouché, Gabriel Ferron, Dane Simard, Olivier Artaud et Francis Paradis font vibrer les ondes de CKRL avec humour, poésie et imagination. Avant-première, un saut dans la littérature de demain sur les ondes de CKRL 89.1, le 29 novembre à 17h30. Tendez l'oreille. Alors, vous êtes toujours en compagnie de Audrey Caro à l'émission L'aérospatiale sur les ondes de CKRL et on poursuit pour cette deuxième demi-heure en compagnie de Fanny Ménard. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. Ainsi que Lauriane Thibodeau. Bonsoir. Allô, allô. Donc, vous aviez depuis très longtemps, vous m'aviez annoncé ce sujet-là, que vous vouliez parler de cette exposition-là, parce que, comme je disais d'entrée de jeu, c'était une exposition qui était très attendue à Québec. Une grosse pointure torontoise qui s'amène ici, Sherry Boyle, comme je rappelle, qui est présenter quand même le Canada à la Biennale de Venise. C'est principalement une céramiste, mais aussi elle fait du dessin et c'est ce qu'on peut découvrir, une nouvelle série de céramique et de dessin donc à la Galerie 3, intitulée « The Smile at the Bottom of the Ladder ». Et Fanny, tu avais envie de débuter cette chronique-là en nous faisant une lecture d'un livre qui a inspiré l'artiste. Je te laisse nous le présenter. Oui, tout à fait. Alors, comme dans l'idée un peu de la dernière chronique que j'avais faite il y a 2 mois, donc l'idée, c'est vraiment de donner une parole à des textes choisis par les artistes. Et puis, ben, dans ce cas, c'était assez facile de choisir le texte puisque le titre de l'exposition est directement inspiré par un roman de Henry Miller, qui est donc un romancier essayiste américain qui est décédé en 1980. Et dont l'œuvre est marquée par des romans assez autobiographiques et qui a la spécificité de conjuguer à la fois extase et désespoir. Donc c'est vraiment un humaniste profondément dans son œuvre à une époque où tout était mécanisé et puis il allait vraiment à contre-courant de son époque. Et du coup, je vais vous lire quelques passages de ce texte, mais que moi j'ai choisi. On a rencontré avec Lauriane Sherry Boyle vendredi passé alors qu'elle était en montage d'exposition et on a eu la chance de parler avec elle. Et elle m'a confié la tâche de choisir 2 passages de ce texte. Alors, comme c'est un roman, dont il y a un fil narratif qui est conducteur, donc je vais choisir une portion du début et une portion de la fin du roman, de l'essai, qui en fait est sur la vie d'un clown et ses tergiversations autour de son rapport à l'art, à la création, à la représentation, et donc qui rejoint tout à fait, comme on le verra par après, le propos de Sherry Boyle. Parfait, bien, on t'écoute. Le titre en français est Le sourire au pied de l'échelle pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de le traduire. Tous les soirs, en étalant son maquillage, Auguste argumentait avec lui-même. Les phoques, quoi qu'on leur demandât de faire, restaient toujours des phoques. Le cheval, un cheval. La table, une table. Auguste, lui, tout en restant un homme, était forcé de devenir quelque chose de plus. Forcé de se charger des pouvoirs d'un être très particulier, au génie très singulier. Forcé de faire rire le peuple. Faire pleurer les gens n'était pas difficile, ni même les faire rire, il y avait beau temps qu'il avait découvert cela. Bien avant qu'il eût seulement rêvé du cirque. Avant que Auguste, cependant, avait de plus hautes aspirations. Il désirait faire à ses spectateurs le don d'une joie qui se révéla impérissable. C'était cette idée fixe qui lui avait inspiré son numéro de feinte extase sur la chaise au pied de l'échelle. C'était par pur hasard qu'il était tombé en transe apparemment. Il avait oublié ce qu'il était censé faire à ce moment-là. Quand il avait repris ses sens, tant soit peu affolé et terriblement inquiet, il s'était aperçu qu'on l'applaudissait frénétiquement. Le lendemain soir, il répéta l'expérience, délibérément cette fois, tout en priant que ce rire rauque et idiot qu'il suscitait si facilement cédât la place à la sublime joie qu'il brûlait tant de communiquer. Mais chaque soir, malgré la ferveur presque de ses efforts, le même délire d'applaudissements l'attendait. Plus elle avait de succès, sa petite pasquinade au pied de l'échelle, plus sa ferveur le brûlait. De soir en soir, les rires devenaient une souffrance, lui faisaient de plus en plus mal aux oreilles. À la fin, cela devenait intolérable. Et une nuit, les rires se changèrent brusquement en brocards et en sifflets. Les chapeaux suivirent et les peaux d'orange ou bananes et d'autres projectiles plus solides. Le coup était raté. Auguste n'était pas revenu. 30 minutes, le public avait attendu. Puis un malaise avait gagné, puis la méfiance. Et finalement, les nerfs avaient craqué et cela avait donné cette explosion furieuse de dérision. Quand Auguste reprit connaissance dans sa loge, il fut stupéfait de voir un médecin penché sur lui. Sa figure, sa tête, étaient toutes tailladées et meurtries. Le sang s'était coagulé par-dessus le maquillage. Le masque déformé était méconnaissable. On eût dit Dieu sait quoi, laissé là sur le billot d'un boucher. Son contrat rompu net, Auguste s'enfuit du monde qu'il connaissait. N'ayant ni le désir de reprendre sa vie de clown, il se mit à errer ça et là. Il passait comme une épave, inconnu, non reconnu, à volo, parmi la multitude à laquelle il avait enseigné le rire. Il n'y avait pas d'amertume au fond de lui-même, rien qu'un abîme de tristesse, et c'était une lutte constante pour refouler les pleurs. Il commença par accepter cette nouvelle condition du cœur. Tout au plus était-ce, se disait-il, un malaise provenant de la cassure brutale dans cette routine longue d'une vie. Mais quand des mois eurent passé, peu à peu, à la fin il comprit qu'il portait un deuil, le deuil de quelque chose qu'on lui avait pris. Non pas le pouvoir de faire rire les gens, certes non, il y avait longtemps que cela ne l'intéressait plus, mais quelque chose d'autre, de plus profond que cela, et qui n'appartenait qu'à lui. » Ça introduit très, très bien cette chronique, Lauriane. Vraiment. Donc, sur les œuvres qui nous sont présentées. Est-ce que tu peux peut-être commencer justement, soit par la rencontre que tu as eue avec Sherry Boyle? Qu'est-ce qui en est ressorti de tout ça? De quoi avez-vous discuté? Bien, notre rencontre, justement, c'est super intéressant de lire cet extrait-là, Fanny, parce que c'est ce dont elle nous a parlé clairement. C'est-à-dire ces mélanges d'émotions qui nous constituent tous, donc les émotions en tant qu'un tout. Vraiment, elle a pris le temps de nous parler de ce qui l'a marqué dernièrement, entre autres durant un séjour au Japon, donc c'est le théâtre Kabuki, mm-hmm. qui pour elle a été vraiment une rencontre fracassante avec cette forme d'art qui est très, très intense, très codifiée et qui lui a mis qui l'a nourri, en fait, vraiment pour cette exposition-là, au sens où les émotions très, très assumées, en tant que, donc sous forme de masque, présentaient vraiment un aspect humain qui, quand on les assemble, forme vraiment une unité, un tout. Son exposition à la Galerie 3 est une exposition à la fois de sculptures, d'encre sur papier, même de marionnettes. Mm-hmm. Mais Sherry Boyle est aussi une artiste qui utilise la performance en d'autres moments, d'autres temps. Elle fait même de l'édition, beaucoup de collaborations aussi avec d'autres artistes. Donc, clairement, c'est une artiste qui s'intéresse vraiment à, oui, cet aspect-là du travail en atelier, très solitaire, donc mm-hmm. de sa propre vision du monde, mais des interprétations, des possibilités là, qui a travaillé avec d'autres artistes. Puis cette exposition à la Galerie 3, donc elle nous plonge dans cet univers, oui, empreint de clowns, de mimes, de pantins même, mais c'est vraiment une exposition où j'ai trouvé que le regard n'était pas un regard dénonciateur, mais plutôt complice ou du moins une vision vraiment pleine d'empathie mm-hmm. sur, oui, cet univers, bon, du livre d'Henry Miller, mais aussi finalement de notre société présente, actuelle, donc de ce rapport à notre façon de nous présenter. On a parlé des médias sociaux avec elle, qui pour, évidemment, en tant qu'observatrice, elle voit bien cette plateforme de présentation-là qui est assez flagrante, où justement, on décide de l'image qu'on souhaite projeter. Mmh. On y fait l'exposition de nos bons coups, de notre expérience, tout ça. Donc, en tant qu'individu, en tant qu'humain dans la société, mais elle nous remet vraiment dans l'exposition à la Galerie 3, elle nous remet en pleine face le rôle de l'artiste, le rôle que l'art prend dans la société. Et l'artiste, justement, tel un pantin qui lui aussi représente une certaine communauté, bon, la communauté artistique, donc sa position qu'il prend dans cette communauté-là, mm-hmm. sa position, la place qu'il décide d'occuper dans la société, puis finalement, évidemment, la place qu'il prend dans sa propre vie. Donc, vraiment ce rapport-là au rôle et de l'art et de l'artiste mm-hmm. et de l'individu, finalement, de chaque humain. Finalement, un peu ces différents masques que l'on porte aussi au quotidien dans les différents rôles qu'on va occuper. C'est ça, dans son travail. Bon, évidemment, on connaît son travail beaucoup au tournant des années 2006 avec ses figurines en céramique, en porcelaine qu'elle exploitait. Donc, elle a un travail figuratif très, très flagrant, très présent depuis toujours, mais là, elle utilise finalement les codes, et oui, de la figure humaine et du monde, bon, en général, du monde animal. C'est moins présent dans l'exposition présentement à la Galerie 3, mais vraiment un rapport assez complice, assez... c'est sûrement pas dénonciateur, mais plutôt, tout simplement, c'est une observation très mm-hmm. authentique, très sincère et pleine vraiment, vraiment d'empathie. J'ai trouvé ça très, très intéressant de discuter avec elle, justement, Oui, ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est une artiste qui, est donc, qui a comme une carrière derrière elle. Elle est à un stade, de, je pense, de son travail où, elle est, où c'est comme une sorte de bilan aussi, cette exposition, de, pas de bilan, mais dans le mode mm-hmm. réflexif. Faire le point un de peu, qu'est-ce oui. que c'est que d'être un artiste, dans le fond, c'est des fondamentaux, dans une société, dans un monde aussi décadent mm-hmm. que le nôtre. C'est comme, ça paraît très, très généraliste comme questionnement, mais je pense qu'elle est à un stade de sa... de son parcours, elle peut se permettre ce genre de questionnement, puis mm-hmm. ça a une résonance avec des choses qui l'inspirent, comme le monde du cirque, comme le monde de la musique, du spectacle. Et aussi, ce que je trouve d'ironique, c'est que souvent en art visuel, on n'a pas ce contact avec le public qu'ont les arts de la scène. Et elle va le chercher par l'intermédiaire de ce qu'elle représente d'une certaine façon. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est pas anodin qu'elle ait choisi ce sujet-là pour nous parler de l'artiste. Elle va comme se mettre dans le rôle du clown ou de la, mais même dans le double rôle pour créer une relation avec le regardeur. Mm. Oui. Donc, c'est ça pour ce qui est des œuvres qui m'ont, moi, particulièrement marqué. Je dois avouer que The Art of Kabuki de 2017, une œuvre. Donc, murale. Un peu tentaculaire, hein, ouais. avec ses fils qui se déploient ouais. dans l'espace. Un peu l'impression même d'un arbre généalogique, ouais, un peu. Tout à fait. On a discuté de ça justement avec elle. Donc, il s'agit de petites plaques de céramique peintes avec des techniques traditionnelles italiennes. Puis, elle représente vraiment ces figures-là du théâtre Kabuki. Et elle a pris un bon temps pour nous en parler. C'est très intéressant, ces ramifications qu'elle fait, mm-hmm. évidemment, dans un contexte, évidemment, théâtral. Donc, on fait tout de suite les liens entre les personnages parce qu'ils sont mis en scène ensemble. Mais cette représentation-là est très, très tactile aussi, là, très présente. Mm-hmm. Puis, moi, j'ai trouvé ça très, très, très vibrant, en fait, comme présentation. Dans tout ce qu'elle nous présente, là, je parle de cette œuvre-là, mais il y en a plusieurs. Il y a toujours ce rapport-là vraiment à la matérialité qui est très flagrante. Là. Mm-hmm. C'est une artiste qui travaille vraiment les médiums et qui s'amuse follement. En discutant avec elle, on a pu constater, moi et Fanny, qu'elle a un parcours qui... En fait, j'ai compris pourquoi je trouvais son œuvre aussi authentique et aussi, aussi riche. C'est probablement en lien avec le fait qu'elle a fait peu d'études académique. Mm-hmm. Elle est justement, elle nous parlait de cette œuvre-là ou de ses anciennes plutôt, ouais, où elle apprenait avec dans des groupes de femmes à couler de la porcelaine dans des moules pour faire les figurines. Donc elle a une façon très autodidacte d'apprendre et donc de s'éclater avec ces matériaux-là, avec ces formes-là. Donc elle a un travail vraiment très riche, très très très rafraîchissant. Là. Le propos est assez intense et dense. On peut s'y accrocher longtemps. Puis je suis sûre que ça me donne envie même de lire le livre d'Henry Miller, mais, oui. mais vraiment, c'est très rafraîchissant comme façon de présenter ce propos-là. Oui. Excellent. Ben, en tout cas, moi, je trouve que ça nous amène une belle perspective aussi qu'on n'a pas de pouvoir rencontrer l'artiste comme ça. Votre compte-rendu aussi de votre rencontre, ça nous amène beaucoup à réfléchir sur ces pièces-là qui, à la base, sont très intéressantes, peuvent nous amener des réflexions, mais avec ça, on ajoute une couche de sens assez, assez pertinente à ces pièces-là. Eh bien, Fanny, je crois qu'on va passer à ce deuxième extrait, donc de 2000 heures toujours. Ouais. On te laisse la parole. Tu nous disais que c'était plutôt la fin du, ouais, du c'est, livre. C'est pas joyeux comme la première partie, je vous avertis. D'accord. Je voulais juste vous préciser aussi que le texte d'Henry Miller n'est pas une référence. C'est pas la seule référence qu'elle non, a eue dans cette exposition, autres, exactement. Oui. Elle s'est vraiment inspirée du titre, mais même quand elle se rappelait pas exactement de tous les passages en détail, c'est vraiment... une artiste pour laquelle c'est très important de puiser dans tous les sens. Là. Mmh. Fait qu'on le verra aussi à la fin avec un extrait musical qu'elle a choisi pour nous. Voilà. Parce que c'est ça. Il y a aussi, je me souviens, Les Enfants du Paradis. C'est ça. Également aussi qui l'a inspiré notamment. Exactement. Alors, oui. Voilà. Voilà. Donc, on t'écoute pour cette dernière lecture. Il se mit à énumérer une à une toutes les caractéristiques très humaines qui le distinguaient, lui, Auguste, des oiseaux du ciel et des créatures des abîmes. Cette nouvelle méditation finit en queue de poisson par des considérations sur les deux vertus ou facultés qui séparent le plus nettement le monde des humains du règne animal, rire et larmes. Curieux, songea-t-il, que lui, qui était à son aise dans ce domaine, pût se perdre en spéculation digne d'un écolier sur le sujet. « Mais je ne suis pas un albatros !»

Alors, on termine avec l'agenda de la semaine. Comme je vous disais, plusieurs choses à souligner. Mercredi, il y a la conférence midi avec le sculpteur gaspédien Claude Rioux à la Maison des métiers d'art. C'est au local 301 au troisième étage de la Maison des métiers d'art sur le boulevard Charest. C'est entre midi et 13 heures. Sinon, ce jeudi, on a l'artiste taïwanaise Li Pingting qui présentera du jeudi au dimanche, entre 16 heures et 17 heures, une performance à chacun de ses jours, et ce jusqu'à la fin de son exposition au lieu le 10 décembre, donc c'est au 345 rue du Pont. Julien Saint-Georges va justement nous parler, faire un petit compte-rendu de certaines de ses performances lors de prochaines émissions. Sinon, 16h30, c'est conférence de Julie Faubert à l'École d'art de l'Université Laval, investir les espaces du commun par le sonore. C'est à la salle de critique donc de l'établissement donc de l'École des arts. Lancement aussi du livre photographique Le naufrage de Charles-Frédéric Ouellet chez Critérium, toujours sur la rue du Pont, mais au 371 cette fois-ci, à compter de 17h jusqu'à 20h. Donc, un projet de livre photographique qui se situe à la frontière des approches documentaires et poétiques. C'est sur le fleuve Saint-Laurent notamment. Donc, Anne-Sophie Homer sera en chronique la semaine prochaine pour nous parler de ce très beau livre. Et sinon, vendredi, on a Élisane Tremblay chez la CERT Art Contemporain à compter de 17h, le vernissage. Dimanche aussi, Ludovic Bonnet à la galerie Michel Guimond dès 13h. Allez-y, c'est une immense installation qu'il nous prépare, très immersive et expérientielle. 15 000 pièces de céramique peinte seront suspendues au plafond de la galerie. Alors, c'est à ne pas manquer ce dimanche. Et sinon, dernière fin de semaine pour aller voir les expositions chez Engram, L'œil de poisson et la bande vidéo également aussi. Ne manquez pas cela. On termine, bien sûr, cette émission en vous rappelant d'aller visiter notre page web, aérospatiale.wordpress.com, et visiter notre page Facebook. J'ai justement mis plusieurs éléments en lien avec notre émission d'aujourd'hui. Un grand merci à mes invités et collaborateurs de cette émission. La mise en onde a été assurée, bien sûr, par Jacques Gignac, le José Landry-Sérois de la console. Salutations à Gentiane La France aussi, ma précieuse collaboratrice de cette émission. Demeurez à l'écoute, car de l'autre côté de la pause, Pierre Blais et toute son équipe vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation critique en direct de la ligne Quasi. Bonne semaine à tous et à mardi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. 4 fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube. La Maison des femmes de Québec. Salle Albert Rousseau. L'Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. À voir ce mois-ci au cinéma Le Clap. Glory dès le 3 novembre. La mise à mort du cerf sacré dès le 10 novembre. L'étoile de Noël dès le 17 novembre. Et The Square dès le 24 novembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Installez-vous confortablement et écoutez la Bibliothèque du futur lors d'avant-première. Les auteurs Caroline Fouché, Gabriel Ferron, Dane Simard, Olivier Artaud et Francis Paradis font vibrer les ondes de CKRL avec humour, poésie et imagination. Avant-première, un saut dans la littérature de demain sur les ondes de CKRL 89.1, le 29 novembre à 17h30. Tendez l'oreille. Le 5 décembre prochain, la Maison de la littérature présente « Sacré-Cœur de Gilgamesh », un récit polyphonique à trois voix. Dans une esthétique presque radiophonique, des conteurs redonnent la parole à cette épopée millénaire, la plus vieille histoire écrite. Les voix sonnent, résonnent, se superposent, s'envolent et dessinent des paysages. De là, on entend un cœur, un Sacré-Cœur de Gilgamesh. Gilgamesh! Un spectacle à découvrir à la Maison de la littérature. Mais l'hiver, faut qu'il résorbe. C'est pour ça que j'ai calfeutré toutes mes fenêtres.